je suis là. Chama. Codazo, Codazo, Alpha Mungu Chateau. Patrick Ruscade. Mamouza Henri le 69. Christian Mangou. Shimoto Tanaka, Léa Dabani, Ioka la souris, tous les anges ne sont plus au paradis. Et ma chérie Koko, et ma chérie Koko, et ma chérie Koko, elle est plus belle que Miss Monde. Oh ma chérie Koko, et la beauté ma chérie, et ma chérie Koko, elle a été nommée Miss au paradis par les anges. Oh, et ma chérie Koko, et ma chérie Koko, sa beauté magique a rendu le monde fou. Et ma chérie Koko, et la beauté magique, et ma chérie Koko, elle est plus belle que Miss Monde. Oh ma chérie Koko, et la beauté magique, et ma chérie Koko, elle a été nommée Miss au paradis par les anges. Oh, Dieu donné piqué, sa beauté magique a rendu le monde fou. Et ma chérie Koko, et la beauté magique, et ma chérie Koko, meilleur restaurant à Dubaï, Awa ouais. L'incontournable de Dubaï. Équipe pour la terre. Anani Mixon, Achille le Westonnier, le neveu de Jésus, Jacqueline Tranchet. Il y a quand des souris, tous les anges ne sont plus au paradis. Et ma chérie Koko, elle est plus belle que Miss Monde. Oh ma chérie Koko, la beauté magique, ma chérie Koko, elle a été nommée Miss au paradis. Dieu donné piqué chez sa beauté magique a rendu le monde fou. Et ma chérie, Mimi la Porsche n'a pas bonne. Nako Bondela Nayawa Mwayete Yako Bondela

Indira Gandhi, Jenny Play, Michel Mankou, tout le monde. Ah! Mami Poto. kolinga ye o ye o yo yo yo yo lo vela kama mana koya e yo male vina o teni nanga yo oh oh kele kele princess nzedi pili pili ya kofuwa na vila baba kolinga ye o Petit Penda de Yaoundé, Avila de Mama les champions, Alpha Ngungu Satoto, Ousmane Kwanga Awaga, Mbala Jules, Patrick Mboma, Maître Chumba, Bravo, Kester Adouala. Christophe Foto, Lionel Châtelain, Roger Baba, Chop Chop, Jojo Weya Waka Waka Mame, Yasser Arafato, King Ekobi, le turbo propulseur de la musique africaine. Tocomi le système ya mondongo. Bravo. Mwana mobali. Akubi mondongo. Ya tubi pili pili ya koko mwana dilo baba kolela. Café Malibu. sur mon océan. J'ai des gros problèmes. Tonique.